Oui, ou quel âge t'es allée à l'école? À quel âge? 6 ans. 6 ans? 6 ans? 6 ans. Moi j'avais 7 ans. 6 ans, pas Piniti. Ah oui. Même Madame le Grand. Oui. Et son mari était quoi? L'administration, ouais. Je sais pas mesurer le terrain, quelque chose comme ça. Ouais, Je ne me rappelle plus. Géomètre, c'est pas ça? ouais, Oui, c'est ça. logicien. Et jusqu'à quel âge? Non, bon. 13 ans, 4, peut-être. 13, 14 ans, 15. 13 ans, 14, peut-être. Après, j'ai fait un peu de cours ménager, après, avec les bonnes soeurs. Ouais. Après, je suis restée à la maison, voilà.